liberté, égalité. Faudra m'indiquer. AK-47 fait du nettoyage de qualité, mais tu n'en as pas idée. On ne s'arrêtera pas tant que le chargeur ne sera pas vidé, le rap décapité. J'crois que j'ai assez d'amour dans le cœur pour vous faire la guerre. J'crois qu'il y a même pas assez de sang dans vos veines pour remplir mon verre. Je vais venir, je vais voir, je vais vaincre en dépit de votre aide. Construire mon empire avec les débris du World Trade. J'ai surfé sur la vague du crime sans faire la hola. J'l'écris mieux que Zola et je ne suis qu'un jeune mola. Que personne ne m'en veuille si je suis pas poli. Ne piégé comme un colis, je te le dis, à ma décharge, je plaiderai la folie. J'arrive comme un virus, non, détecté par Curie. De mon écurie, sort une tuerie sur les traces de l'étoile de Cyrus. Hydrodynamique, du coffre à la calandre. Juste en leur parlant, faut qu'ils jouissent. Juste en leur calant entre les cuisses. Figure osseuse, la faucheuse est enchantée. J'ai baissant sur main gantée, yeux rouges comme un soleil ensanglanté. Cœur de ciment, j'parle huc, j'vais faire comme le duc. J'vais pas les prendre par les sentiments, j'vais les prendre par le huc. Liberté, égalité, faudra m'indiquer. AK-47 fait du nettoyage de qualité, mais tu n'en as pas idée. On s'arrêtera pas tant que le chargeur sera pas vidé, le rap décapité, tous mes rapis sont validés. J'ai parloir au premier tour, j'suis un soldat dès le premier jour. Peu importe ce qui va m'arriver. Un sol blanc taché de sang quand je partirai. On m'a dit ils te rejettent alors domine-les. 2-7-0 parce que ce système n'est qu'une grosse tapette gominée. Sans âme nos corps ne sont que de la viande auquel on retire tout le sel. Je sais pas où je vais mourir mais je sais que je suis né quelque part sous le ciel. Je farcis de balles pour les enterrer, je noircis des pages pour les éclairer. Les anges muets ont un cri, je sais que même les rêves ont un prix. Ce bas monde est un wagon sans frein en direction des enfers. J'hésite entre les horaires du train et les horaires des prières. On me dit de freiner, mais le pompe veut leur faire un trou si large dans le ventre qu'on va savoir ce qu'ils ont mangé au petit déjeuner. Je sais que je dois m'élever, oui, je sais mais j'aime la rue. Oui, je sais que la force d'un homme peut raser une montagne si elle gêne la vue. Vu, jeune Mola, adoubé, parce que le guide a été touché le jour où Carla a accouché. Dans mon crâne y'a du magma, je ronge ma plaie c'est Mad Max. Dans mes sons je suis l'Adma et mon cœur éponge le plasma. Liberté, égalité, faudra m'indiquer. AK-47 fait du nettoyage de qualité, mais tu n'en as pas idée. On s'arrêtera pas tant que le chargeur sera pas vidé, le rap décapité, tous mes rapis sont validés. J'ai parloir au premier tour, j'suis un soldat dès le premier jour. Peu importe ce qui va m'arriver, un sol blanc taché de sang quand je partirai. 2-7-0.